بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses assises et nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous combler de ses bienfaits et de nous les augmenter. Falhamdulillahi laylan wa naharan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi akramana bihadi ni'am. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain du monde, nuit et jour, pour ses bienfaits. Et comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si vous allez comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne vous pouvez pas le faire. ومن هذه النعم التي كرمنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه السنة الهجرية 1443 أكرمنا سبحانه وتعالى بعد أن حرمنا من ذلك لمدة سنتين بالاجتماع لقيام الليل في بيوت الله عز وجل، فالحمد لله على منه وجوده وكرمه. Donc parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel il nous a comblés en cette année 1443 de l'Hijr, c'est le fait de retrouver les mosquées pour les prières nocturnes durant les nuits du mois de Ramadan, alors que dans le monde entier les musulmans ont été privés pendant 2 ans à cause de cette maladie, de cette pandémie. فَبِسَبَبِتِلْكُمُ الْجَاحِحَ المسمات بكورونا التي ما سلطت علينا إلا بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا وبسبب تفريطنا في ديننا. قال سبحانه وتعالى وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الأمراض وهذه الأوبئة هي آية من آية الله سبحانه وتعالى يذكر بها عباده سبحانه وتعالى لكي يتوبوا ولكي يرجعوا إلى الله ولكي ينوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. Et cette pandémie que Allah سبحانه وتعالى avec laquelle Allah سبحانه وتعالى nous a éprouvé n'est que le résultat de nos péchés, le résultat de notre désobéissance à Allah سبحانه وتعالى, le résultat de notre négligence de ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, le résultat de notre éloignement de la voie de Muhammad alayhi salam et de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Le verset dans sa traduction approximative du sens nous dit cela. Ce qui vous atteint comme catastrophe, c'est le fruit de vos mains, c'est-à-dire c'est le fruit de vos œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne beaucoup. Donc toutes ces pandémies, toutes ces maladies, toutes ces guerres, toutes ces inondations, etc., ne sont que des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux serviteurs pour revenir vers lui subhanahu wa ta'ala, pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour revenir vers la voie qu'il aime et l'agrée, vers la soumission qu'il aime et l'agrée. فَلْنَتَأَمَّلْ حَالَنَا كم نحن بعيدين عن الصراط المستقيم الذي نطلبه في كل صلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Comme dit notre situation et qu'on voit combien on est loin de cette voie que nous demandons dans chacune de nos prières. Dans chacune de nos prières, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait obligatoire qu'on fasse que, s'il est un des piliers de la prière, de faire ce dua. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et nous ne voulons pas être sur la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni la voie de ceux des égarés. Combien de fois on répète ça? Combien de fois on va l'entendre maintenant pendant le mois de Ramadan? Et combien de fois nous allons le répéter durant nos prières surrogatoires, en dehors des prières nocturnes? Ce que nous demandons, الذي نطلبه كل يوم, هو أن نكون مع أنبياء الله وأصفياءه ومع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ce que nous demandons chaque jour, c'est d'être avec les prophètes et avec les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'être avec les véridiques, avec les martyrs et avec les vertueux. Car la voie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, les détaillés dans notre verset. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Donc cette voie que nous demandons, elle est détaillée. Les personnes qui sont sur cette voie-là sont détaillées dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset dans Sourate An-Nisa. Il nous dit, ceux qui obéissent à Allah et à son messager, qui obéissent à son messager, ceux-là seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qui est la bonne compagnie, qui est que la compagnie de ceux-là. Ceux-là, ce sont ceux, on demande à Allah d'être avec eux dans chacune de nos prières. Adina sirat al-mustaqim sirat al-ladhina an'amta alayhim. Nous voulons être avec ceux que tu as comblé de ses bienfaits. Et bien sûr, هذا لابد له من أسباب. ندعو الله سبحانه وتعالى ونعمل بالأسباب ونبحث عن صفات هؤلاء المنعم عليهم وعن أصولهم وعن طريقتهم لكي نسلكها حتى نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فلا طريق لها إلا هذا. Et ceci a besoin de nous d'accomplir les causes pour y arriver. Hein? De chercher qui sont ces gens-là, leurs qualités, leurs fondements, leurs croyances, leurs comportements. Hein? La voie sur laquelle ils étaient. Nous devons comprendre tout ceci, le mettre en application, l'apprendre et le mettre en application pour arriver à ce but qui est le fait d'être comblé par le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la voie pour arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. On ne peut pas y arriver par 50 000 chemins. Le livre, la sunna, selon la voie et la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alim, et alors peut-être les nobles compagnons et leurs successeurs et ceux qui leur ont succédé. Hein, ça, c'est les trois générations qui ont été élogées par Allah et par son messager alayhi salatu wassalam. Et leur voie est obligatoire pour nous, pour arriver à la satisfaction d'Allah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Fala buddha, ikhwat al-islam, Allah subhanahu wa ta'ala karamana bi hadha al-shahr. Wubi annakuna min alladhina akramahum bil hayati fi hadha al-shahr. Fala buddha an nastash'ira ni'mat Allah. وأن نكون لها من الشاكرين لأن ربنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الله سبحانه وتعالى nous a comblé d'être parmi les vivants durant ce début du mois de Ramadan. Et ceci est un des grands bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى, est une des grandes grâces d'Allah سبحانه وتعالى pour nous concernant. Et nous devons avoir à l'esprit la grandeur de ce grand bienfait. Et nous devons être parmi, et ceci doit être le motif pour nous pousser à être parmi les reconnaissants de ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ceux qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour son grand bienfait. Et pour tous ses bienfaits. Le verset dans la traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Si vous êtes reconnaissant, Allah il vous augmente. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. هذا معناه أن بالشكر تكون الزيادة وبكفران النعمة يكون النقصان. Cela veut dire dans le verset, avec la reconnaissance et le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'augmentation. Et avec la non-reconnaissance et le non-remerciement, il y a la diminution ou la disparition du bienfait. والشكر أخ الإسلام ليست كلمة تقال، الشكر يكون بتحقيق التقوى، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق فهمي ومنهجي السلف الصالح رضوان الله عليهم. مخافة عقاب الله ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. Donc il a reconnaissance et le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas une parole qui sort de la bouche tout simplement. Hein? La réelle reconnaissance, c'est l'accomplissement du taqwa. Taqwa qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit conformément à ce qui est dicté dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de le pieux prédécesseur d'Allah alayhi. En ayant peur du châtiment d'Allah et en espérant la récompense et la clémence d'Allah, et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde. Ha, la budda, ikhwat al-islam al-naqifa ma'a anfusina. وأن نغير ما بنا من إفراط ومن تفريط، فما سلط علينا أعداء الله إلا ببعدنا عن منهج رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. Il est obligatoire pour nous de s'arrêter de faire des haltes avec nous-mêmes et de faire nos comptes nous-mêmes et de faire notre checking, voir les négligences dans lesquelles nous sommes, le laxisme dans lequel on est tombé, les manquements à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel nous sommes. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrasent tout simplement. Et la plus grande des causes étant le fait d'être loin de la voie d'Allah, de la voie de son messager alayhi salatu wassalam et de la voie de ses nobles compagnons d'Allah alayhi. Ça, c'est la cause principale. Tant qu'on sera loin de cette voie, il n'y aura ni les honneurs, ni la suprématie, ni le pouvoir sur terre. Il ne faut pas se leurrer. Cette communauté est conditionnée par cela. Les honneurs, le triomphe, la suprématie, le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, ils dépendent de l'accomplissement de cette voie dans notre vie. De prendre la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim, et de s'éloigner de toute ressemblance avec les ennemis d'Allah, et de s'éloigner de toute ressemblance avec les ennemis d'Allah. Il est malheureux, comme il a dit Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, que les ennemis d'Allah ont compris cela et beaucoup de cette communauté ne l'ont pas compris. Quand on lui a relaté l'histoire d'un prêcheur à Khan Yunus, là-bas dans les territoires occupés, qui prêchait la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alim, mais qui ne pouvait pas dire qu'il prêche la voie du salaf. Mais il dit, je prêche qu'il appelle vers la voie du noble compagnon Ridwanullah alim. Quand il s'est convoqué par le gouverneur de Khan Yunus, et dans la salle où ils étaient, ils avaient des commandants de l'armée, des gens du haut. Et quand ils l'ont questionné, plusieurs questions, et lui répond toujours, j'appelle vers la voie des compagnons. Le pire parmi ceux-là s'est levé et lui a dit texto comme ça. Tu as la voie d'établir, tu as la voie du Hizb Tahrir, tu as la voix du frère musulman, prends n'importe quelle voix de cela et fais ton prêche avec, mais la voix qui va amener les gens vers le chemin d'Abu Bakr et de Omar, on ne te laissera pas faire. Hein? Et Cheikh Nasr dit al-Albani, comme il a entendu cela, il a dit, les ennemis d'Allah ont compris, et beaucoup de la communauté n'ont pas compris encore. Hein? Et quand tu médites ce qu'il a dit, Cheikh Nasr al-Din al-Albani a dit, est-ce que la voix d'Abu Bakr, vous allez trouver chez Tablir? La réponse est non. Chez le parti Tahrir, du Syrie, Hizb Tahrir, Non, chez l'Ikhwan, abadan. وترون أمامكم ومع عيونكم الحرب القائمة على هذا المنهج الرباني، وذلكم لأن عزة المسلمين لا تكون إلا به، والأمر كما قال فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: كنا قوم أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فعزتنا وشرفنا ورفعتنا في ديننا، فلا بد أن نصلح ما فسد في منهجنا ونعود إلى رشدنا. وعن أي إسلام يتكلم الفاروق؟ يتكلم عن الإسلام الصافي النقي الذي كان عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ما يتكلم عن إسلام المساواة بين الأديان ووحدة الأديان أبدا، إنما يتكلم عن تلكم البيضاء النقية، تلكم المحجة الواضحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Vous voyez devant vous comment à travers le monde entier, il n'y a pas qu'ici dans ce pays, à travers le monde entier, comment on s'acharne sur la voie des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Pourquoi? Parce que tout le monde, les ennemis d'Allah et tous ceux qui n'aiment pas cette religion savent avec certitude que les honneurs, la suprématie de cette communauté est dans cette voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. D'où cet acharnement. Et ça ne peut pas être autrement. C'est tout à fait naturel. Hein? C'est tout à fait normal que le faux combat le vrai. C'est la sunna d'Allah, Azza wa Jal. Et c'est les épreuves que nous devons passer pour arriver purifiés devant Allah subhanahu wa ta'ala et avoir les promesses d'Allah. On ne peut pas les avoir comme ça. Hein? Et la situation, comme il a dit le Farouk, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, l'homme, quand il passait dans un chemin, Shaitan ne prend pas ce chemin, il se sauve de ce chemin. Le deuxième khalif de cette communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, agré tous les nobles compagnons, il a dit, nous étions des gens avilis, au plus bas degré de l'échelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, il nous a élevés avec l'islam. Et si nous cherchons nos honneurs et notre suprématie dans autre chose que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous rabaissera et nous déshonorera. Donc, les gloires, les suprématies, les honneurs de cette communauté sont dans sa religion. Et il est de notre devoir de remédier et de réformer en bien ce qui est mauvais dans notre voie et dans notre comportement, et dans notre pratique religieuse, et dans nos croyances, et à tous les niveaux. Et il y a un point très important sur lequel il faut revenir et auquel il faut faire très attention. Quel islam? De quel islam parle Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda? Il vous passe le ré. Il ne parle pas de l'islam qui appelle à l'unicité des religions et à l'égalité des religions. Abadan. Il n'appelle pas à l'islam des histoires à dormir debout, soit chez le Sofi ou là, chez le Tablir ou autre. Il n'appelle pas à l'islam des traîtres musulmans qui sont le Rouan, la secte des frères musulmans. Il n'appelle pas à la secte des Sorori, ni à des Khawarij, ni à des Dawa'ish, ni à des Bladan et autres. Abadan. Il appelle à une voie pure. Hein? Al-Bayda, dont la nuit et le jour se ressemblent, et celui qui divise de cette voie, il s'est égaré. Hein? Il appelle à cette voie sur laquelle il était lui, alayhi salatu wassalam, et ses nobles compagnons, radwanullahi alayhim. Fa, Omar ibn al-Khattab, kana yaqsidu fi kalamihi, qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ani, المنهج الذي سينجيك في الدنيا وفي الآخرة قال عنه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه attire l'attention sur quelque chose de très important qui peut te sauver, qui peut te donner des honneurs. C'est cette chose qui a été désignée par le celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui n'a jamais parlé de ses propres passions, qui n'est que le véridique, qui n'a dit que la vérité, qui est notre messager alayhi salam, quand il a parlé des tendances et des divergences et des voies, et quand il a désigné celle qui va être sauvée dans ce bas monde et dans le delà, il a dit ceux qui seront sur la même voie que moi et mes compagnons. Ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Donc il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas 50 000 chemins. Il n'y en a qu'un seul. Au milieu de cette diversité de voies et de ce déluge de déviance, il n'y a qu'une voie. C'est celle que nous demandons dans chacune de nos prières. Et il est obligatoire de l'apprendre, d'apprendre ses fondements et de l'appliquer dans notre vie. Wa Rabbuna yaqul لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu, dans la traduction approximative du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. فلا تغتر لا بد أن تغير إن كان عندك نقص لا بد أن تغير إن كان عندك إفراط لا بد أن تغير ولا تفهم كما يفهم ذو العقول السقيمة يقول حتى يتغير الناس لا أبدا أنت يجب أن تتغير أنت وتحاول أن تغير من حولك ومن تحت سلطتك من زوجة وأبناء و donc il faut faire très attention à ce verset. Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. C'est-à-dire que le changement doit venir de chaque personne. Il ne faut pas attendre que les autres changent. Il ne faut pas vouloir changer les autres sans être changé soi-même. Donc le changement commence par l'individu lui-même. Je dois voir, faire le check-in avec moi et regarde mes lacunes où ils sont, mes manquements où ils sont, mes défauts ils sont où. Et je dois remédier à cela. Et je dois voir mes priorités. Ma femme, mes enfants, ceux qui m'entourent, et les plus proches, et ainsi de suite. ولا بد إخوة الإسلام أن نعتني بما في صدورنا. فالصلاح يبدأ من الداخل، والخارج تبع له. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن في هذا الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب كله ألا وهي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc il est obligatoire de s'occuper de notre intérieur, de la nettoyer, de la purifier, de l'orgueil, d'être imbu de soi, et de tout, de la jalousie, et ainsi de suite. Car l'extérieur n'est qu'une image de l'intérieur. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il y a un bout de chair dans le corps humain. Si ce bout de chair est bien, tout le corps le sera. Et si ce bout de chair est mauvais, tout le corps le sera. L'apparence de la personne dépend de ce qu'il y a dans son cœur. فها نحن في أول يوم من رمضان وهذه من نعم الله العظيمة علينا وعلى عباد الله أن جعل لنا مواسم متعددة للعبادات تكثر فيها الطاعات وتقال فيها العثرات وتعظم فيها الهبات وإن من أجل هذه المواسم كلها وأكرمها على الله شهر رمضان هذا الشهر المبارك الذي هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في القرآن فعندما ذكر الله الشهور قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم، فذكرها بصفتها. لكن عندما ذكر شهر رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر كريم وشهر عظيم وموسم غال، شهر البركات وشهر الخيرات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر الجود والكرم والبذل والعطاء والمعروف والإحسان. فإن الله سبحانه وتعالى نفولا au premier jour du mois de Ramadan. Et ceci est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant et concernant ses serviteurs soumis à lui. Subhanahu wa ta'ala, il a fait pour ses serviteurs des saisons et de nombreuses occasions qui ont beaucoup de mérite, durant lesquelles l'obéissance augmente, durant lesquelles les erreurs sont excusées, durant lesquelles les péchés sont absous, durant lequel les hasanats et les récompenses se multiplient, et durant lequel, durant ces saisons, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne beaucoup à ses serviteurs durant ces nobles occasions et ces saisons méritoires. Et parmi la plus noble, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus importante et la plus grande saison, c'est le mois de Ramadan. C'est ce mois qui est un mois Mubarak. Mubarak, dire qu'il est plein de bénédictions. Ce n'est pas tout simplement la bénédiction, mais beaucoup de bénédictions. C'est le seul mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran avec son nom. Les autres mois, il les a cités par leur qualité. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, le nombre du mois dans le livre d'Allah est de 12 mois. 4 parmi ces mois sont des mois sacrés. Il les a désignés par leur qualité. Le mois de Ramadan, quand il a cité le mois de Ramadan, dans la traduction approximative du verset dans Surat al-Baqarah, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé et comme orientation, et comme éclaircissement, et comme discernement pour les gens. Donc c'est un noble mois. C'est un mois plein de bénédictions. Et c'est une noble saison qu'il ne faut pas rater. C'est le mois des bénédictions, c'est le mois du bien, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois des prières nocturnes, c'est le mois de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois des pardons et c'est le mois où beaucoup de gens vont être sauvés du feu de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va sauver du feu de l'enfer. C'est le mois de la générosité, c'est le mois de la compassion et c'est le mois de la bienfaisance. وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ بِمَقْدَمِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ ويستحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل من صلوات وصدقات وبذل معروف وإحسان وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام وشغل أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن فلا تضيعوا يا عبد الله لا تضيعوا يا عبد الله إن كنت من الذين أكرمك الله سبحانه وتعالى بالحياة خلال هذا الشهر المبارك فانتبه لنفسك وانتبه لهذا الوقت العظيم لا يضيع منك فإنك لا تدري أتدركه السنة الماضية فكل وقت يمر يودعك ولن تراه إلى يوم القيامة لكي يشهد على ما عملت فيه Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annonçait la bonne nouvelle de l'arrivée du mois de Ramadan à ses nobles compagnons, radhwanullah alayhi. Il les incitait à faire des efforts pour l'accomplissement des bonnes œuvres, obligatoires et surrogatoires. Prière, charité, ordonner le bien, être bienfaisant, la patience, la compassion, l'endurance dans l'obéissance, occuper la journée par le jeûne et le soir par les prières nocturnes, occuper le temps, ce temps béni de ce mois, par l'évocation d'Allah, par sa glorification, par la demande du pardon, hein, par la lecture du Coran. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te comble de la vie, fais très attention, ne perds pas ce temps. Si Allah subhanahu wa ta'ala te comble de vivre durant ce mois de Ramadan, chaque instant que tu vis avec lequel Allah il t'a comblé, fais très attention, ne le perds pas dans des futilités. Parce que si le temps passe, tu l'auras plus, c'est fini. Une fois que le soleil de ta journée se couche, il te dit « Salam alaikum ». On se retrouvera le jour de la résurrection pour témoigner des œuvres que tu as faites durant ma journée. Tu ne pourras jamais le rattraper. Et tu ne sais pas si tu vas vivre tout le mois de Ramadan ou tu vas vivre le Ramadan de l'année prochaine. Tu n'as pas de date, tu n'as pas de rendez-vous. Donc il t'incombe, il m'incombe, il incombe à tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala de profiter de chaque instant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé pour accomplir ce qu'il veut de nous. Hein? Et de ne pas perdre son temps parce que le temps, c'est pas comme disent l'argent, le temps c'est de l'argent. Hadou, ils ont rien compris. Ou le temps c'est de l'or, ils ont rien compris. Si tu perds une transaction d'or aujourd'hui, si tu as la vie dans 6 mois, tu peux l'avoir une fois que tu as de l'argent. Mais si ton samedi aujourd'hui, samedi 1er Ramadan de l'an 1443 part, tu ne le rattraperas pas. Tu ne l'achèteras pas, même avec la montagne de Houd en argent. Il est parti. Donc, cette comparaison entre le temps et l'or n'a aucune valeur. N'est pas juste. Hein? L'or, tu peux, tu n'as pas les moyens aujourd'hui, tu peux l'acheter plus tard, tu auras les moyens. Si Allah, il te donne les moyens. Mais si ton heure passe, si ta journée passe, si ton mois passe, tu ne pourras pas le rattraper. Aujourd'hui, tu vis Ramadan 1443, si tu vis l'année prochaine, ça sera 1444. Hein? C'est un autre temps. C'est une autre année. Donc il ne faut pas se laisser berner par Shaitan. Hein? Je vais faire. Dès que j'ai ceci, dès que j'ai atteint cet âge-là, des abadan. Hada, c'est une grande clé que Shaitan, il te donne pour t'engloutir dans l'insouciance et dans la perte du temps. Ben, fais très attention à ton temps. Ne le perds pas dans des futilités. Car ton temps, c'est ton capital. Et tu seras jugé sur ton capital. Tu as déjà vu un commerçant perdre le capital? Comment il s'acharne pour préserver le capital? Il veut l'augmenter. Et il veut pas en perdre. Hein? Ben, notre temps, c'est plus important qu'un capital d'un commerçant. Rawal Imam Ahmed. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. الإمام أحمد غبوط رحمة الله عليه كأنس بن مالك دي رضي الله عنه وأرضاه. Le messager d'Allah a dit, c'est Ramadan qui est arrivé au cours duquel les portes du paradis seront ouvertes, celles de l'enfer seront fermées et les démons sont enchaînés. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الترمذي رحمه الله ainsi qu'Ibn Majah rapportent dans leur recueil selon Abu Hurayra رضي الله عنه وارضاه le messager صلى الله عليه وسلم a dit à l'arrivée de la première nuit, c'est-à-dire dit la première nuit de Ramadan, c'est-à-dire depuis le coucher de soleil du vendredi hier. Hein? Donc, à l'arrivée de la première nuit de Ramadan, les démons et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes du feu de l'enfer se ferment. Aucune d'entre elles ne s'ouvre. Et les portes du paradis sont ouvertes sans aucune d'entre elles ne soit fermée. Puis un héros dit aux chercheurs du bien, avance, aux chercheurs du mal, abstiens-toi, aux chercheurs du mal, ô toi qui veux le mal, abstiens-toi, arrête. Et Allah a dit affranchis de l'enfer, et cela chaque nuit de Ramadan. Médite ce qu'il y a dans le hadith, ce grand bienfait durant ce mois. Les portes du paradis grandes ouvertes. Aucune porte ne sera fermée durant tout le mois. Les portes de l'enfer sont fermées. Aucune porte ne sera fermée durant tout le mois. Les rebelles, les shayatin sont enchaînés. Shayatin aussi. Hein? Et tu as un héros. Hein? C'est-à-dire comme un annonciateur qui annonce et qui appelle. Ô toi qui veux le bien, accours, avance. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Alors, il faut voir à quel appel tu vas répondre. Le doué de raison, il va accourir vers le bien. Il va répondre à l'appel du bien. Il y a la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à accomplir les bonnes œuvres et à s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Hein? Et le malheureux, celui qui perd son temps, va répondre au mal. Et son moi, il va le passer dans n'importe quoi. Et de l'autre côté, l'autre, il le passera dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et regarde, chaque nuit, il y a des gens qui seront sauvés du feu de l'enfer. Il faut faire en sorte et utiliser tous les moyens et toutes les causes pour qu'on soit parmi ceux qui vont être sauvés du feu de l'enfer durant ce mois de Ramadan. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. ميديت سحاديت شيل إمام أحمد رحمه الله سلو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كيدي كل رسول صلى الله عليه وسلم دي quand Ramadan est arrivé, le messager d'Allah a dit « Ramadan, le mois plein de bénédictions est arrivé. Allah a fait obligatoire son jeûne. Les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer sont fermées. Les démons sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est mieux que mille mois. Celui qui est privé, du bien de cette nuit, il a été privé d'un énorme bien. Tamal, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, وصف هذا الشهر بأنه شهر مبارك، وهو شهر مبارك حقا، كل لحظة من لحظاته مباركة، كل لحظة من هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت، بركة في العمل، بركة في الجزاء والتواب. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، ومن بركة هذا الشهر الحسنات تضاعف، وأبواب الجنان تفتح، وأبواب النيران تغلق، والشياطين وملدة الجن تصفد، ويكتل في هذا الشهر عتقاء الله من النار. Et médite frère en Allah subhanahu wa ta'ala comment le messager d'Allah a décrit ce mois. Il l'a décrit étant un mois plein de bénédictions. Chaque instant de ce mois est une bénédiction. La bénédiction, elle est dans le temps. La bénédiction est dans les récompenses. La bénédiction de ce mois de Ramadan est énorme. Et il y a au milieu, à la fin de ce mois, une nuit qui est mieux que 1000 mois. Et parmi les bénédictions de ce mois, c'est que les récompenses sont multipliées. Les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées, les ennemis, nos ennemis, shayatin sont enchaînés. Et durant cette nuit, Allah, durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala sauve beaucoup de gens du feu de l'enfer. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتبه أخ الإسلام، يجب أن تصوم بنية العبادة وبنية الطاعة، لا مجارة للمجتمع أو لأنه موسم الصوم أو لإنقاص الوزن. انتبه، هذا الأجر العظيم لا بد فيه كذلك من اجتناب الكبائر وعدم الإصرار عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلحفظ رمضان وإحفظ ثواب رمضان وبركة رمضان يجب أن تجتنب المفطرات المعنوية. المفطرات المعنوية هذه تنقص أجر الصيام أو تذهب بأجر الصيام كله، سماع الغناء، الفحش في الكلام، النظر إلى ما حرم الله، كل هذه مفطرات. الناس تهتم بالمفطرات الحسية، الأكل والشرب والجماع، وكثير من الناس إلا ما رحم ربك لا يعتني بالمفطرات المعنوية، ما يغضب الله، هذه الموسيقى وهذا الكاسيات العاريات و ضياع الوقت أمام التلفاز من مسلسل إلى مسلسل. Il a été rapporté dans les authentiques de l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant les récompenses d'Allah, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il faut savoir que ce qui va être pardonné, ce ne sont que les petits péchés, mais avec des conditions qui sont dans, avec une condition qui est dans l'autre hadith. Et dans l'autre hadith, le messager d'Allah a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan par foi et en espérant les récompenses d'Allah, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et quiconque accomplit les prières nocturnes et les différentes adorations au cours de la nuit du destin par foi et espérant les récompenses d'Allah, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il faut faire très attention que le jeûne doit s'accomplir comme il est dit dans le hadith, doit s'accomplir par l'intention de l'adoration et par l'intention de l'obéissance à Allah, par l'intention de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas coutume, ils n'ont pas pour faire comme les gens de ma société ils font, comme les gens de ma famille font. Abadan. Ou jeûner parce que c'est la saison du jeûne, ou pour maigrir, ou pour perdre du poids. Il faut faire très attention de ne pas perdre ces énormes récompenses qu'il y a dans le jeûne du mois de Ramadan. En t'obstinant dans les péchés capitaux. Les péchés capitaux ont une expiation particulière et spécifique. Ils ne sont pas pardonnés avec le jeûne, avec la prière, etc. Ils ont besoin d'une expiation particulière et d'un pardon, et de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit s'éloigner des péchés capitaux pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Car dans le hadith du messager d'Allah, le hadith chez l'imam Muslim ou Abu Huraira a dit, les 5 prières rituelles, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'à l'autre mois de Ramadan, tous ont un effet absolutoire si on évite les péchés capitaux. Regarde la condition. Si on évite les péchés capitaux, il faut préserver à l'islam son jeûne. Des annulatifs symboliques. Beaucoup de gens font attention aux annulatifs du jeûne concrètes, qui sont la bouffe, la boisson, avoir des rapports avec son épouse, etc. Et beaucoup ne font pas attention aux annulatifs symboliques, qui est le fait de ziyouter le haram, de prononcer des grossièretés, de baigner dans le blâmable et dans la turpitude, et de passer sa journée devant les feuilletons de télé à regarder les femmes presque nues ou nues complètement, ou que ce soit sur son écran d'ordinateur ou son téléphone, et ainsi de suite. Tout ceci, ce sont ce qu'appelle Imam Al-Albani rahmatullah alayhi les annulatifs symboliques qui vont diminuer la récompense du jeûne ou qui vont l'anéantir. Ou ils vont la diminuer selon le degré de ses péchés capitaux, ou alors carrément ils vont, la personne aura accompli le devoir du jeûne, mais il n'aura aucune récompense parce que tout a été détruit par les péchés capitaux. فهذا من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر المبارك شهر المغفرة وشهر الرحمة ولم تغفر ذنوبه ولا تحط عنه خطايا لكثرة إسرافه في الكبائر وعدم توبته وعدم استغفاره يدخل عليه هذا الشهر الكريم وهو باق على ذنوبه مصر عليها ويخرج الشهر وهو ما زال سائلا على ذنوبه وخطاياه ايه فخيرون الله سبحانه وتعالى donc c'est une énorme faillite, énorme perte quand la personne vit le mois de Ramadan, le mois du pardon des péchés, et que ses péchés ne lui sont pas pardonnés. Ses péchés ne lui sont pas absous et que ses erreurs ne sont pas pardonnées. Car il s'entête, il s'obstine à commettre des péchés capitaux. Il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et il perd ses nobles moments et cette noble saison dans des futilités. Le mois de Ramadan arrive et la personne ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, ne délaisse pas les péchés Et il rentre dans Ramadan, et il en sort comme il est rentré. Il rentre avec ses péchés, il en sort avec ses péchés. Comment veux-tu que celui-là, ses péchés, hein, puisse à profiter ou avoir les biens? Il y mérite du soumois de Ramadan. Abadan akhal islam. Wa ta'ammal fima روى الطبراني رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ميديت سحاديت سحاديت dans lequel il y a beaucoup de leçons et dans lequel سحاديت sort par la forme de dua. Ce sont des dua contre ces trois personnes citées dans le hadith. Tabarani rapporte donc le hadith de Jabir ibn Samura que le messager d'Allah a dit, alayhi salatu wassalam, Jibril est venu me voir et il m'a dit, ô Muhammad, qu'il soit humilié, celui qui a connu un de ses parents et meurt, qu'Allah l'éloigne. C'est-à-dire qu'il soit humilié, hein, et qu'il rentre en enfer, hein, celui que il a vécu avec ses parents âgés, ont vécu avec lui, il n'a pas été bon avec eux. Il était mauvais avec ses parents. Hein? Et Jibril fait dua et il demande à Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit Amin. Et Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dit Amin. Hein? Ô Muhammad, qu'il soit humilié, celui qui a connu un de ses parents et meurt, et qu'Allah l'éloigne. Et qu'Allah l'éloigne, et il rentre en enfer, dit Amin. Jibril a dit à Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dit Amin. Et le prophète Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Amin. Il n'y a aucun doute que le dua du prophète Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam sont exaucés. Jibril a dit au Muhammad, celui qui vit le mois de Ramadan et qui meurt sans qu'Allah lui pardonne, il rentre en enfer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Et le messager d'Allah a dit Amin. Hein? Regarde cette situation dangereuse du fait de rater cette noble saison du mois de Ramadan. Et il a dit, Jibril alayhi salatu wassalam a dit, Rasoul sallallahu alayhi wasallam, celui devant lequel tu es cité, il ne prie pas sur toi, et qui meurt et rentre en enfer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Et Rasoul sallallahu alayhi wasallam a dit Amin. Et là, d'où les hommes de science ont retenu que le fait qu'on rentre Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam est cité devant quelqu'un, il est obligatoire qu'il fasse la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Pendant le Jumu'ah, comment on fait? Et pendant les assises? On le fait à voix basse. Hein? On prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, à voix basse, et on ne soit pas avare dans cela. فهذا إخوة الإسلام شهر الأرباح وشهر الغنيمة ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر مما يجتهد فيه غيره وكان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتمام ويتفرغون فيه للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وكان يجتهدون في قيام ليله وعمارة أوقاته بالطاعة قال الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام هذا هو شأن رمضان عند السلف رحمهم الله جد واجتهاد صيام وقيام عبادة وتلاوة للقرآن تهليل تسبيح بر وإحسان عطف ومواساة وإطعام. هذا رمضان عند السلف. Et le noble mois de Ramadan, c'est la saison des gains. Et c'est un butin pour celui qui sait saisir ce butin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait beaucoup d'efforts durant ce mois de Ramadan. Le pieux prédisseur d'Allah alayhim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, donnait une grande importance à ce mois de Ramadan. Lui donnait une grande importance. Il se libérait pour accomplir les œuvres qui vont les rapprocher d'Allah, les bonnes œuvres. Il faisait beaucoup d'efforts dans les prières nocturnes, hein, et à remplir le temps du mois de Ramadan par les obéissances. Zuhri rahimahullah, qui est l'un des chouyours de l'imam Malik rahimahullah, a dit, quand à Ramadan arrive, ce n'est que la lecture du Coran et la nourriture de la nourriture, et donner la nourriture, c'est-à-dire nourrir-les. Ah, les jeûneurs ou les nécessiteux. Ce n'est là dit, rahmatullahi alayh, quand arrive le mois de Ramadan, ce n'est que le jeûne et la lecture du Coran. Ce n'est que la lecture du Coran et nourrir la nourriture. Et ça, c'est la situation et la place de Ramadan dans la vie de nos plus prédisseurs, d'Allah alayh. Des efforts, il double d'efforts durant le mois de Ramadan. Le jeûne, les prières nocturnes, les différentes adorations, surrogatoire au niveau des prières dans la journée, la lecture du Coran, fait de glorifier Allah, fait de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, le fait de glorifier Allah de différentes façons, et le fait d'être bienfaisant, le fait d'avoir de la compassion aussi pour les autres, hein. Fashahru Ramadan dayfun aziz ala al-muslimin ووافد كريم عليهم فحري به من يحسن استقباله بما يستحقه من حفاوة وإكرام فإنه إذا نزل بالإنسان ضيف كريم فهو يفرح به ويفرح بمقدمه ويسر بمجيئه ويبذل له كل غال ونفيس وشهر رمضان هو أكرم ضيف وأنبله وأزكاه وأطهره فلنفرح بإدراكه بأن بلغنا الله إياه فكم من قريب وصديق وجار شهد معنا رمضان الماضي ثم اخترمته المنية فلم يدرك هذا الشهر فلنشكر الله على ما أنعم به علينا من إدراك هذا الشهر وليكن ذلك باستغلال أوقاته المباركة فيما يقرب إلى الله من طاعات نافعة وأعمال مبرورة وتوبة ونصوح وإحسان قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Ce noble mois de Ramadan, c'est un noble hôte qui est arrivé. C'est un noble hôte pour les musulmans. Et il incombe à tout musulman et à toute musulmane de lui réserver un accueil particulier. Il y a un accueil qui correspond à sa place et à ses honneurs. Car regarde, dans la vie, quand tu reçois un hôte particulier, hein, quelqu'un que tu aimes bien et qui vient ou l'inviter chez toi, comment tu es réjoui, hein, comment tu es content de le recevoir, comment tu sors les grands plats dans les petits plats, comment tu prépares la chambre, tu prépares tout ce qu'il faut préparer pour l'accueillir, pour lui réserver un bon accueil. Le mois de Ramadan, il est plus noble que tout ça. Hein? Et donc, nous devons être réjouis par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vie durant ce mois de Ramadan. Et de l'accueillir comme il se doit, combien de nos voisins, de nos amis, hein? Ils ne seront pas là avec nous durant ce mois de Ramadan. Ils étaient là avec nous pendant les prières. Et l'heure est arrivée, ils sont morts. Il y a un des, parmi les gens âgés de la mosquée qui était là l'année dernière. Et les vendredis derniers. Et hier, après Salat al-Asr, qu'il a prié dans la mosquée turque, il est resté sur sa chaise. Il est mort. L'année dernière, il a vécu le mois de Ramadan, cette année, il ne l'a pas vécu. Hein? Et l'ange de la mort, tu ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Hein? Donc, quand on est comblé de vivre, ben, chaque instant de ce mois de Ramadan, nous devons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala pour cet instant. Hein? Et nous devons profiter de cet instant durant le mois dans le bien, dans l'obéissance. Hein? Et être réjoui par ce grand bienfait d'Allah. Car il est dit dans le verset cité ici, dans la traduction approximative, il nous dit ceci, dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est mieux que tout ce qu'ils amassent. La grâce d'Allah et cette miséricorde d'Allah qui arrive, c'est ça qui doit nous réjouir. Les gens se réjouissent avec beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont leur donner un bonheur momentané. Peut-être il va acheter quelque chose qui va lui plaire. Et cinq minutes après, khlas, c'est comme si rien du tout. Hein? Mais le soumis à Allah ne se réjouit réellement qu'avec le fait d'être comblé par la guidée. Et d'être comblé, hein, par le fait, par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par le suivi du messager alayhi salatu wassalam. C'est là où doit être sa joie, où doit être son bonheur. Et tu vas voir comment le messager alayhi salatu wassalam se réjouissait par la descente de la révélation du Coran. Quand il y a eu Sourate al-Kawthar qui est descendu, qui a été révélé au messager alayhi salatu wassalam, il était au milieu de ses compagnons dans la mosquée. Et à un moment donné, sa tête a baissé comme quelqu'un qui s'est endormi. Mais il s'est pas endormi juste. Hein? La tête, il a piqué de la tête vers le bas. Un laps de temps, et puis il a relevé sa tête en souriant, en ayant un sourire. Ceci n'a pas échappé aux nobles compagnons. Ils lui ont dit à Rasulallah, qu'est-ce qui t'a piqué un petit peu, la tête abaissée, etc. Et quand il t'est relevé, tu as eu un gros sourire. Voici ce qu'il a fait sourire, alayhi salatu wassalam. Il a dit, il m'a été révélé. Inna atainaka al-kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرْ. Il a été réjoui par la descente de ce verset. Hein? Et donc, les réjouissances du soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui veulent, celui qui veut être sur la voie de ses prédécesseurs d'Allah alim, il doit être réjoui parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par les choses que Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Hein? C'est ça. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission, la connaissance de la voix du plus prédisseur d'Allah. Ah, ça doit te réjouir. Bien sûr, tu peux avoir la joie pour des choses que tu aimes, etc. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui doit primer dans notre vie, c'est ça. C'est cette voie sur laquelle, parce que le verset que j'ai cité, dit ceci provient de la grâce d'Allah. Ça aussi, c'est un verset avec lequel Omar ibn Khattab a attiré l'attention de l'un d'eux. D'un garçon qui était à son service, et il est parti avec lui à l'extérieur de Médine pour voir le cheptel des dromadaires de la zakat. Et ce jeune a vu qu'il y avait beaucoup, il y avait un énorme troupeau. Il a dit, ça c'est le bienfait d'Allah. Il s'est écrié comme ça, ça c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattab l'a piqué un petit peu avec un bâton, avec son doigt. Il lui a dit, tu mens. Le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran, et il a cité ce verset, car ce verset vient juste après la citation du Coran, comme quoi le Coran, c'est un remède, et c'est une clémence, et ainsi de suite. Il lui a dit, tu mens, le grand bienfait d'Allah, c'est, et tu vois à la fin du verset, il dit, c'est avec ça qu'ils doivent s'y réjouir, c'est mieux que ce qu'ils amassent. Hein? C'est là où était la joie de ne plus auprès des sorts voir l'Allah. Comme je disais au début de cette série, la série qui est une série de rappels, est faite, son essentiel, c'est d'être lié avec le livre d'Allah, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et la voix et la compréhension des nobles compagnons de ceux qui les suivent à la perfection. Le mois de Ramadan est là, ce noble mois, durant lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et ce mois nous appelle vers l'accomplissement du bien. nous devons nous poser cette question et être véridiques avec nous-mêmes. Chacun de nous, celui qui vous parle, et chacun de nous doit se poser cette question. Combien de Ramadan tu as jeûné dans ta vie? Certains parmi nous, 70 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, plus, moins. Combien, pose-toi la question, combien de Ramadan tu as jeûné durant ta vie? Et tous on sait, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses obligations, qui sont la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat et tout ce qu'il a fait obligatoire, il les a fait pour des buts bien précis et pour des objectifs bien précis. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul an faridat as-siyam ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit concernant le jeûne, ou vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés avant vous. Ainsi vous allez atteindre taqwa. Donc le but de Ramadan, c'est d'acquérir taqwa. Wa qala ani zakati wa sadaqa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Il a dit concernant la zakat obligatoire et surrogatoire qu'il l'a instaurée pour les purifier. Dans le verset, dans la traduction approximative, dit ceci: prélève de leur bien une sadaqa par laquelle tu les purifies et tu les bénis et implores Allah pour eux. Donc le but, c'est la purification. Wa qala anil hajj. Il a dit concernant le pèlerinage. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa. La traduction approximative du sens du verset concernant le but du jeûne, du pèlerinage, faites vos provisions et la meilleure des provisions étant quoi? Taqwa. La mise en application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et il a dit de la prière: inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière, il a dit, dans la traduction approximative du sens du verset, en vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Et regarde où tu es, où on est, chacun de nous doit regarder où on est par rapport à l'objectif de la prière, d'être loin de la turpitude et des blâmables, et d'être loin de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. La même chose au niveau du jeûne. Vois, où tu en es dans ta taqwa, dans ta soumission, dans ta mise en application des ordres d'Allah, dans le fait de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Regarde combien d'années tu as jeûné. Est-ce que Ramadan, toutes ces années, a laissé un effet sur toi? Est-ce que cette adoration de l'abstinence a eu un impact dans ta vie? Chaque année, au début du mois de Ramadan, tu écoutes les exhortations des prêcheurs. Tu écoutes les conférences des hommes de science qui te parlent des bienfaits et des mérites du mois de Ramadan et de tout ce qui en découle. Il faut que tu vois quel effet ça a sur toi. Obligé. Il faut que tu vois où on est. C'est quoi le fruit dans ta vie? Des adorations. Tu vois les gens se préparent pour Ramadan. Depuis un mois, certains depuis 15 jours, etc. Certains se préparent pour préparer la réserve de bouffe, la réserve de pâtisserie. Certains se préparent carrément, c'est devenu une coutume dans certains pays de l'islam et dans certains pays du Maghreb, de changer les salons. Certains se préparent pour le mois de Ramadan par le renouvellement de la cuisine ou des ustensiles de cuisine. Tout ceci fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisées, il n'y a aucun mal. Mais où est la réalité du jeûne? Mais où est la réalité et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a instauré le jeûne et il l'a fait obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala fait le jeûne obligatoire pour nous, pour nous libérer de nos tentations. Et non pas pour être des prisonniers de nos tentations. L'obligation de Ramadan et du jeûne est une preuve que le croyant est libre et c'est quelqu'un qui ne doit pas être et qui n'est pas accaparé par les tentations et qui n'est pas le prisonnier de ces tentations. Et que c'est quelqu'un qui ne lit pas sa vie avec les tentations. Enfin, nous devons regarder l'impact du jeûne et les effets du jeûne dans notre vie. Médite, tu ouvres un projet. Parmi les projets de ce bas monde, commerce ou là, une société ou autre, pour un but bien précis, qui est le fait d'avoir du gain. Et tout d'un coup, tu te rends compte que ce projet, tu ne gagnes rien. Plus tu fais faillite. Tu vas continuer dans ce projet, qu'il soit commerce ou autre, ou tu vas t'arrêter avec toi-même, faire les comptes, regarde où sont les erreurs et les défauts, qu'est-ce qu'il faut réparer. Hein? Enfin, la même chose. L'être humain se prépare pour le jeûne. Le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala se prépare pour le jeûne. Par le voyage, ou par le revêtement de sa garde-robe, ou par les ustensiles de cuisine, etc. Il se prépare. Ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisées, et là, il n'y a pas de problème. Mais où est le but du mois de Ramadan et son objectif? Où est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, l'objectif pour lequel il nous a créés. Comme il est dit dans surat Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La traduction approximative du sens du verset nous dit, je n'ai créé les génies et les humains que pour me réserver le culte exclusivement. Ça, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Bien sûr, on cherche sa subsistance par les moyens légiférés. Ça, c'est pas le problème. Mais il faut pas que la recherche de la subsistance soit au détriment de la religion et des obligations d'Allah. أين نصيبنا من الصوم؟ أين نصيبنا من هذا الشهر؟ ما هو حظنا منه؟ C'est quoi notre part de ce jeûne? C'est quoi notre part du jeûne du mois de Ramadan durant toute notre vie? العاقلون, les doués de raison parmi les croyants, rivalisent, se hâtent et rivalisent dans les bienfaits, dans les prières, dans l'invocation d'Allah, dans la prière, dans la lecture du Coran. Et ainsi de suite, dans la charité, dans le fait de nourrir les pauvres, dans le fait d'avoir, dans tous les portes du bien. Ils essaient chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert une porte d'un bien. Et il œuvre dans ce sens-là. Mais il y a des personnes qui ouvrent dans tous les biens. Le jeûne, la nourriture des jeûneurs, la zakat, la charité, etc., la visite des malades, et ainsi de suite. Il y a d'autres, mais au moins ils font quelque chose. Et les doués de raison parmi les croyants se rivalisent dans ce but-là, durant ce mois de Ramadan, et dans toute la vie. Certains, tellement Ramadan est devenu une routine pour eux. Et c'est ancré dans leur esprit que le mois de Ramadan, c'est le mois de la bouffe, le mois du repos, le mois du soleil, le mois du sommeil. Ils le passent. Il n'y a que les désirs et les préparatifs dans sa tête, qu'est-ce qu'il va manger le soir, c'est quoi le repas de sahur, et ainsi de suite. Et il passe sa journée devant les télés, à zioter n'importe quoi. Il a passé son temps dans n'importe quoi. Et alors que les nobles compagnons d'Allah alayhim et nos pieux prédécesseurs se félicitaient pour l'arrivée du mois de Ramadan. Et ils attendaient avec impatience ce mois de Ramadan. À la fin du mois de Ramadan, nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, ils faisaient pendant 6 mois le dua que Allah subhanahu wa ta'ala accepte Ramadan qu'il vient de terminer. Et les six autres mois, ils font dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la vie pour vivre le mois de Ramadan. Hein? Et durant le mois de Ramadan, ils se serraient la ceinture. Ils faisaient beaucoup d'efforts. Le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de la paresse. Durant le mois de Ramadan, il y a eu le plus grand combat de la communauté musulmane. C'est le mois du triomphe. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher l'islam et les musulmans durant le mois de Ramadan. La bataille de Badr, qui a été la séparation entre la mécréance et le monothéisme, a eu lieu au mois de Ramadan. La conquête de la Mecque a eu lieu au mois de Ramadan. Le retour de la bataille de Tabouk avec le messager alayhi sallam a eu pendant le mois de Ramadan. Et beaucoup de conquêtes musulmanes ont eu pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas un mois de paresse. Ce n'est pas un mois de sommeil. Abadan, c'est un mois d'effort. Et celui qui est doué de raison et qui veut être sauvé, il veut le salut de son âme, doit s'arrêter avec lui-même. Il doit méditer. Hein? C'est quoi le but de mon jeûne? Je jeûne, je prie. Hein? C'est quoi l'impact de tout ça dans ma vie? Il est obligatoire qu'il y ait un impact, qu'il y ait des effets dans notre vie, des adorations. Il est obligatoire qu'on profite dans ce bas monde, avant l'au-delà de nos adorations, et que ceci soit une réalité dans notre comportement. Hein? Car les adorations et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit, c'est, il te fait pas, il augmente pas ton obéissance, il augmente pas ta foi, il t'avance pas encore plus dans les, ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu t'arrêtes avec toi-même. Et que tu vois avec ta mauvaise âme, l'âme qui ordonne le mal, vois avec elle, fais-lui ses comptes. Maîtrise-la. Maimoun ibn Mihran, rahimahullah ta'ala, a dit, nefs, l'âme de l'être humain, c'est comme l'associé traître. Un associé, mais il est traître. Et il a dit, c'est comme l'associé traître, si tu lui fais pas les comptes, tu vas perdre ton argent. Hein? Médite cette image qu'il t'a donnée concrète pour bien comprendre, tu rentres avec quelqu'un associé. Et on t'a dit, fais attention. Alors, il n'est pas très clair. Il n'était pas très honnête. Tu vas négliger le fait de faire les comptes avec lui chaque jour? Abedin. Chaque jour, tu vas faire les comptes avec lui. Ce qui est rentré, ce qui est sorti, la caisse, etc. Car, tu as en toi, tu sais, que Hada, on t'a dit, que Hada, fais attention. Il en est de même de l'âme humaine. Il est comme l'associé traître. Si tu lui fais pas ses comptes, il va te jeter au fin fond de l'enfer. Alors tu es obligé de lui faire ses comptes. Et il faut mettre en application le conseil de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa Allah. Il a dit, faites vos comptes avant qu'on vous les fasse. Faites vos comptes avant qu'on vous les fasse. Et pesez vos œuvres avant qu'on vous les pèse. Car aujourd'hui, ce sont les œuvres, il n'y a pas de compte. Et demain, il y aura les comptes sans les œuvres. Regarde ce noble conseil qu'a donné le Farouk radiyallahu anhu wa Allah. Fais tes comptes. Regarde qu'est-ce que tu as gagné dans ta journée au niveau de tes hasanat. Ce que tu as fait comme mal. Pèse la valeur de tes œuvres que tu as accomplies. Parce qu'aujourd'hui, tu peux remédier aux lacunes, aux erreurs que tu as faites. Hein? Mais une fois dans la tombe, c'est fini. Une fois arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fini. Là-bas, il va y avoir les comptes sans les œuvres. Alors qu'ici, tu peux encore remédier à tout cela. Hein? Enfin, celui qui est doué de raison et qui veut profiter de cette noble saison et qui veut sauver son âme durant ce noble mois de Ramadan, il se fait un programme durant le mois de Ramadan. Il se fait un programme durant ce noble mois. Il prend un pacte sur lui-même qu'il va lire le Coran, qu'il va se pencher sur l'interprétation du Coran, qu'il va faire des efforts pour réformer son nefs et pour réformer son âme et son cœur et pour les purifier. Et il va faire, et aussi qu'il fasse en sorte de réformer sa famille, sa femme, ses enfants, et faire des efforts pour se réunir avec ses frères dans le bien et pour le bien, dans le bien et pour le bien de la religion. Et il n'y a aucun mal que la personne ait des largesses dans ce que la Subhanahu wa Ta'ala a autorisé au niveau bouffe, au niveau vêtements. Ça, ce n'est pas le problème. Mais ce qui est obligatoire, ce qui nous incombe, c'est d'avoir de la largesse dans l'obéissance, d'accourir vers l'obéissance et de faire des efforts dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et de s'abstenir de ce qui nous a interdit et de mettre en application tout ce qui va nous approcher de Allah subhanahu wa ta'ala. Chahr Ramadan, c'est un noble invité. Honore-le comme il se doit. Tu trouveras ses récompenses. Et ceci jaillira dans ta vie, dans ce bas monde avant le-delà. Enfin, tout ceci, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a octroyé de vivre cette première journée de ce mois de Ramadan. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.